un mot sur l'enquête de Mercure et Vulture sur la signification du travail au Québec, pour vous dire en gros que leur enquête, elle confirme ces résultats que je viens de vous présenter. En gros, ce qu'ils montrent, donc ils ont fait une enquête auprès de 1000 personnes par questionnaire, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a une grande importance accordée au travail, je vous renvoie à ma première dispositif, mais que il y a une importance encore plus grande accordée à la famille, c'est-à-dire que quand on demande de hiérarchiser, les gens font passer la famille avant le travail, qu'il y a un développement et une forte présence des attentes qu'on peut appeler post-matérialistes si on est dans la lignée d'Engelhardt, ou que eux appellent expérientielles, donc la dimension du travail comme une expérience de vie, versus opposé simplement à la dimension instrumentale, le travail c'est un moyen de gagner un revenu. Il retrouve comme nous une forte polarisation selon les CSP, c'est-à-dire que la dimension expressive du travail elle est très développée chez les cadres et chez les indépendants, moins chez les ouvriers et les employés. Il y a la même plus forte intensité et des attentes plus fortes en matière post-matérialiste chez les jeunes, et plus de différences, notamment dans les jeunes générations, selon le genre. Et développement, sans doute, à partir des femmes, d'une conception polycentrée de l'existence. C'est-à-dire, on a une double revendication dans cette population québécoise, à la fois que le travail me permette de me réaliser, mais en même temps qu'il ne prenne pas la totalité de mon espace, qu'il soit circonscrit. Donc à la fois je veux une implication intense, un engagement et que mon travail ait du sens, mais je ne veux pas non plus que ça prenne la totalité de la place. Et je passe à mon grand 3. Alors vous voyez, je vous inonde de résultats, alors après il faudrait analyser. Hein, mais bon. Alors troisièmement, l'enquête de Radio France. Donc Radio France avait voulu faire un questionnaire sur le sens du travail, avait déposé sur son site un questionnaire très long, et un certain nombre de personnes avaient répondu. Assez peu, je trouve, en fait. Hein, 6 000, c'est pas beaucoup. Et surtout, le problème, c'est que c'était évidemment absolument pas un échantillon représentatif. C'était au contraire une partie extrêmement précise de la population. D'abord, vous savez que les gens qui écoutent Radio France, c'est des gens très particuliers. C'est des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui sont plutôt dans les catégories cadres, professions intellectuelles. Et en effet, c'était bien ça. Hein. Là, je vous montre les gens qui ont répondu, et je vous montre juste que les Bac plus 2 sont 67,4%, vous les voyez, Bac plus 2, 67,4%, alors qu'en population générale, les Bac plus 2 sont 12%. D'accord ? Donc, un échantillon qui n'a strictement rien à voir avec la population générale. Mais justement, c'est très intéressant de voir ce qu'ils racontent. Or, ces gens qui sont donc, en gros, des cadres, professions intellectuelles, professions intermédiaires, très diplômés, et souvent étant autour du service public, sans être nécessairement fonctionnaires, parce que la moitié avait connu le chômage, je trouve ça intéressant de voir quelles images ils ont du travail aujourd'hui. Et vous allez voir qu'ils ont quand même une représentation très particulière. Je vais très vite, avant de terminer. Qu'est-ce que c'est que cette représentation très particulière ? Eh bien, ils ont encore plus que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, des attentes expressives. Quand on leur demande qu'est-ce que ce serait pour vous les deux qualités principales du travail idéal, ils répondent, près de la moitié, un travail qui me permet de continuer à apprendre. Ça, c'est extrêmement, extrêmement post-matérialiste et expressif. Hein. Un travail qui me donne l'impression de réussir quelque chose. Un travail qui me rend utile. Et regardez, un travail où vous gagnez beaucoup d'argent, moins de 10%. D'accord ? Donc, voilà, travail idéal, c'est un travail qui permet de continuer à apprendre. Deuxième diapo pour illustrer leur rapport au travail idéal. C'est quoi pour vous la priorité pour vos enfants ? Un métier épanouissant, 75%. Et qu'il soit salarié, 0,6%. Un métier qui rapporte beaucoup d'argent, 3,5%. Donc, travail, vraiment la dimension expressive du travail au centre des attentes de ces personnes. Et à vos yeux, est-ce que travailler, c'est plutôt un droit, une obligation ? Un droit. Maintenant, comment ressentez-vous aujourd'hui votre travail ? On n'est plus sur le travail idéal, on est sur comment vous êtes aujourd'hui. Alors, une image noire du travail. Je suis fatiguée, 27%. C'est dur, mais j'y arrive, 24%. C'est tellement dur que j'ai envie de partir, 13%. Donc, d'un côté, c'est bien, 25, plus c'est formidable, 5. Donc, 30%, ça va. Et tout le reste, c'est horrible. Je suis fatiguée, c'est dur, mais j'y arrive et j'ai envie de partir. D'accord ? Donc, des attentes énormes de nature expressive et une réalité horrible. Même décalage que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'ensemble de la population française, empire. J'ai des attentes énormes, elles sont déçues. Est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez changer ? Alors, vous voyez des taux qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît habituellement. Hein. 43% qui veulent changer d'emploi, 17% de métier, 10% d'entreprise. Alors vous allez me dire que c'est ceux qui se plaignent le plus qui sont venus répondre à cette questionnaire, bien sûr, pour apporter leur malaise. Pas seulement, parce qu'il y a des gens qui disent que ça va. Donc je pense que c'est pas seulement ça. Au terme de cette enquête, quelle est la priorité dans votre vie ? La famille, 63%. Donc là encore, une manière encore plus intense que tout ce qu'on a vu tout à l'heure de voir les choses. Donc, alors, le travail est en dernier, votre travail 11%, vos loisirs 17%. Donc, vraiment, il y a un problème au travail pour ces gens. Alors, c'est quoi le problème ? C'est quoi le slogan auquel ils adhèrent le plus volontiers ? Pardonnez-moi, il manque un mot, hein, c'est travailler mieux. Le slogan, c'est travailler autant pour autant d'argent, mais travailler mieux. Travailler moins pour travailler tous, et puis après les autres slogans, hein, notamment travailler plus pour gagner plus, 4%. Alors, quel est, comment est-ce qu'on peut comprendre ce que, on va conclure, quel est le problème ? C'est la course à la rentabilité, à la productivité. Ça serait quoi la priorité pour améliorer le travail aujourd'hui ? Arrêter la course à la rentabilité et à la productivité, permettre aux gens de travailler mieux et tous, et prendre le temps de faire du travail de qualité. Donc c'est cette idée que la possibilité même de faire un travail de qualité est empêchée, et que des tas d'indicateurs tombent sur les personnes, s'intercalent entre les personnes et leur activité, et du coup font perdre complètement leur sens à ces activités. Voilà, ben je vais finir là-dessus. Je vous avais mis des témoignages, mais dans les témoignages, on a une remise en cause radicale du New Public Management, des logiques gestionnaires et de l'importation des méthodes en vigueur dans le secteur public, expression de souffrance, qualité empêchée, l'idée que les indicateurs sont destructeurs du sens du travail et le caractère central du temps. Les gens n'ont plus le temps de faire ce qu'ils souhaitent faire. Ils ne comprennent plus pourquoi ils travaillent. Il y a une perte de sens, une aliénation. Et là, pour le coup, la notion de santé, elle est complètement au cœur de ces témoignages, comme si donc la santé, c'était pouvoir développer, pouvoir accomplir tout ce qu'on a développé comme attente expressive. C'est très Hegel et Marx, hein. C'est très le cœur du travail, c'est l'activité humaine qui me permet de transformer le monde. Et donc quand cette activité est empêchée, quand on m'oblige à aller faire d'autres choses que ça, que mettre du sens dans le monde, alors je souffre.